Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap 7 Gecko sur Skyrock. Bienvenue, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Il est là en chair, en os, en saucisse et en tatouage. Tu connais la formule. En chair et en saucisse. En chair et en saucisse. 7 Gecko est de retour, comment va? Ça roule l'autre, mon petit pote. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça faisait longtemps que j'étais pas rentré en France. Ça faisait un petit moment. Reconquérir le public français. La dernière fois qu'on s'est parlé, puis on l'évoquera aussi cette semaine, tu étais dans ton bar, puisqu'il y a une nouvelle vie maintenant. 7 Gecko est non seulement patron de bar, mais aussi à plein de business en Thaïlande. Ouais. C'est une nouvelle facette de 7 Gecko. C'est quoi? C'est une nouvelle. C'est un nouveau chapitre. Un nouveau challenge. Chapitre. C'est une nouvelle manière d'être proche du public, en dehors des concerts en fait. Et oui, puisque la Thaïlande, on y reviendra, c'est une des destinations préférées des Français. Hein, de la banlieue française. Voilà, qui viennent en nombre. Mais ils viennent que pour les plages. Hein. Arrête de croire qu'ils viennent pour. J'ai vu dans ton petit sourire narquois qui insinue plein de choses. Ils viennent pour les plages. Allé souvent en Thaïlande et souvent pour les plages. Voilà, tu vois. Phuket. Voilà. Pattaya. Ouais, Pattaya, non, c'est plus pour autre chose. Ah oui, il n'y a pas trop. Il y a éventuellement des baignoires, mais il n'y a pas trop de plage. Bon, on évoquera en tout cas tout ça durant cette semaine. Ça arrive vendredi, hein, ça y est, Professeur Punchline. L'album est dans les bacs vendredi. Là, on peut déjà le préco sur iTunes. Mais moi, tu m'as rapporté une super box. Donc voilà. Ça, on peut précommander aussi celle-ci, la box. C'est la box, tu peux la trouver dans les Fnac, les Leclerc, et la préco aussi, avec un t-shirt, le CD et un golden ticket pour que deux personnes viennent en Thaïlande me voir dans mon bar, rester quelques jours avec nous. Ça c'est un beau cadeau. C'est dans tout, dans quoi? Dans une boîte forcément si c'est dans, non dans tous les CD cristal en fait, dans tous les albums. Donc il y a une chance iTunes. Voilà, il y a une chance possible pour partir avec toi avec accompagné de quelqu'un en plus. Et accompagné de quelqu'un s'installer là-bas en Thaïlande. Voilà, s'installer 5 jours. Petite installation. Bon, on va se plonger directement dans Professeur Punchline. On a préparé un petit medley de cet album, même un gros medley j'ai envie de dire. Balance la sauce. Écoutez ce que ça donne 7 Gecko pour son retour. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mais du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mais du gros son, rap. Du moment. Tous les mecs rêvent de Ken. Pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. Grosse caisse, gros dérapage. Grosse rafale sur videur, t'as gros recalage. Entre toi et moi, trop de décalage. Les têtes vont tomber et la gage. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme les Shintawas. On charbonne comme les Shintawas. On charbonne comme les Shintawas. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. C'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Y'a ce coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. La grosse chatte à ta mère en pièce jointe. Yeah. Fais du bruit pour mon val d'oseille. Comment on fait, yeah. Monsieur l'agent veut mes papiers. Mais je les ai pas, je les ai oubliés. Ses collègues me regardent les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes. Pas de flèche, bébé t'es trop clean. Pas de poils, pas de microbes. Donc j'aime les meufs qui s'épilent. Bébé t'es trop clean, bébé t'es trop fraîche. J'aime quand ton legging explose tes grosses fesses. On m'avait dit étant petit, la vérité est en deal. Toute la jeunesse est en deal, le bloc de shit est en deal. Ça c'est du rap de Titi parisien. Avec un schlasse dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Je suis dans les faits divers, je nique ta mère comme Joe Star. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai sorti toutes les les punchlines comme un gros gamin. J'habite sous le sunshine comme un gros gamin. J'paiera la main dans le bus line comme un gros gamin. Poulette, poulette, poulette comme une boulette en métal. Foulette, foulette, foulette comme une levée en bécane. Posé dans le check, posé dans le vide, posé, on me cale. On aime les soubrettes, soubrettes, soubrettes. Soubrettes en état, maintenant est bon. Si je ne te tue pas, c'est que j'en ai pas le droit. Je rentre par la cage, je sens pas le toit. Eh ouais, mon raclo, je parle de toi. Si je ne te tue pas, c'est que j'en ai pas le droit. Planète Rap. Voilà, ce medley, Professeur Punchline, ça arrive vendredi. Ça y est, ça sort du four. Ça y est. Voilà. Quand tu réécoutes, tu repenses à des choses en particulier, l'enregistrement. Non, mais je me disais, il est lourd l'album là. Ouais. Ah non, au début j'ai dit il est lourd le medley, mais en fait c'est que l'album est lourd. C'est parce que l'album est bon. Ouais. Donc les deux étaient très bons à l'instant. Le medley de Professeur Punchline qu'on écoutait, c'est donc vendredi dans les bacs. Je le disais en précommande dès maintenant. Et puis c'est vrai qu'alors qu'il y a quelque chose, évidemment avant que tu balances des sons, qui était assez incroyable, c'est cette pochette. C'est la pochette. Quand même cette pochette, c'est la décennie. Et toi, t'es venu comment celle-ci en fait? J'aime bien les tatouages à fond là en ce moment, depuis un petit moment, depuis 5 ans déjà. Et j'étais tombé dans un magazine d'une photo avec un mec qui avait ça sur la main. Ben, une personne lambda, tu vois. Ouais. Je me suis dit, mais ça, visuellement, si tu en fais une pochette, on frappe dans l'art, là, l'art contemporain. Et voilà, je me suis dit que ça peut être marrant pour un rappeur qu'il fasse sa meilleure pochette le jour où il met sa main sur sa bouche, quoi. C'est vrai que c'est assez fou, ouais. C'est parce que quand t'as le symbole, c'est ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà, c'est et, ça. Avec le tatouage, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis à l'époque, j'avais une phrase qui me tenait à cœur, c'était trop parler peut tuer. Et je trouve que ça illustre bien, voilà, la pochette. Là, on a lancé sur Facebook une application où tout le monde peut refaire la même pochette, en fait. Parce qu'il y a déjà eu pas mal de pochettes refaites. Alors, il y avait des dessins sur des. T'as vu tout et n'importe quoi. J'en ai vu des verges et des pas durs. Ouais. Je pense que t'as un peu vu de tout, ouais. Ouais, ouais, donc voilà. Mais là, donc il y a une appli maintenant. Voilà, qui a été postée là sur mon Facebook, c'est de Gecko. Que j'invite tout le monde à refaire ma pochette en se mettant ma main sur la gueule. Voilà, c'est un nouveau contact. La punchline, j'ai envie de la lire celle-ci, c'est prends ma main dans ta gueule et reproduis la pochette de Professeur Punchline. Et ben, t'as tout compris, de la punchline jusque sur les accroches publicitaires. Voilà. Prends ma main dans ta gueule, donc on peut prendre la main de Seth Gecko et refaire la pochette. Voilà. Faut aller où? Faut aller pour la trouver, on va où? Sur le Facebook de Seth Gecko. Facebook de Seth Gecko, allez-y, si déjà vous pouvez nous envoyer les premières pochettes. Là, on aimerait bien voir tout. On aimerait bien voir ça dès maintenant. Envoyez la pochette. Pour les envoyer, c'est de skyrock.fm via l'application aussi. Hein, Skyrock, vous pouvez balancer directement des photos, ça arrive dans le studio. Donc n'hésitez pas, prenez la main de Seth Gecko dans votre gueule et refaites la pochette. Et ben voilà. Entre 20h et 21h, toute la semaine, t'es là. Dans un instant, on parle de la construction de cet album, comment il est né, cet album Professeur Punchline. Mais on débute, j'ai envie de dire, avec le Seth Gecko Bar. Ouais, c'est le morceau qui s'appelle Seth Gecko Bar, le clip est arrivé. Ouais, il est arrivé, on l'a lancé là, juste, il est tout chaud, il vient juste de sortir, ça plonge les gens dans mon bar en Thaïlande. Donc c'est vraiment l'aider, c'est ton univers actuel. Ouais, hein, ouais, on pouvait pas faire mieux pour le clip, c'était de mettre une caméra, et quand il y a tous les artistes qui sont venus nous voir, qui est avec Gradur, Lacrime, Rimka, DJ Snake, on a filmé tous ces moments, et on en a fait un clip en fait. Et pour vendre le clip, eh ben, il n'y avait pas mieux que de faire un morceau où on explique comment ça se passe et que si tu pètes la cloche, eh ben, c'est tournée générale pour tout le monde. Et voilà, j'invite tout le monde à venir péter la cloche dans le bar. Venez péter la cloche chez Seth Gecko. Les rappeurs se font clasher, Seth Gecko se fait clocher. C'est plutôt pas mal. Voilà. C'est une très bonne idée. Allez, on balance le morceau Seth Gecko Bar. C'est sur l'album, ça sort le 6 novembre. Bar, 29 rue Bengla. Si t'es un loup-bar, benga. J'aime trop les femmes, j'aime trop la sape. Tu veux du taf, passe-moi ton number de tola sap. Pour faire du twerk, pas besoin de work permit. 34 degrés en hiver, choc thermique. Viens en couple ou en grosse équipe. Le son est thug, mais c'est pas bordélique. Nouveau bar avec ventilo et la clim. J'suis tranquillo avec la crime. Jason Voorhees au platine. Ici les filles travaillent, on dit surtout pas qu'elles tapinent. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la pillage et de la grosse cochonne. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Viens te battre dans le calbar, Batman. Batman. Je règle mes problèmes à coups de Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. L'ouverture c'est 20h, la fermeture c'est 4h. Y'a de la fumée et de la vapeur, et de la verdure coupée au sécateur. 1000 battes la tournée de shooter. Y'a de la pupute, les dalles jouent les zookers. Tout le monde rentre ici, y'a pas de code couleur. Qui mixera demain, Snake ou Cut Killer. Y'a pas de videur, le portier c'est Bobo. Kylian OP, le bar final à gogo. I'm in love with my noix coco. À 12 000 km de Saint-Ouen en Lolo. T'achètes doudoune, j'achète short de bain. Si tu pars en coucou et boum, pomme de pain. C'est les spell avec l'homo pop chégué. Sois pas homophobe quand tu chites un peu pédé. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Reste pas dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. Cette gecko bar en dessous du gossip. Soir on piaffe comme des alcooliques. T'es même pas bonne avec ton gros slip. Une fois que je suis mao, ciao, I go sleep. Deux bouteilles, on place au VIP sucrète. T'es venu en Thaïlande grâce à Bouska Phuket. J'rappe pour les cailles dans la salle. Tatoué comme taille de la sign comme Latinos. Les yeux rouges comme un albinos. J'ai soif amigos, paye ta salitos. J'mettais Versace avant les Migos. C'est la haute saison. Avant de demander une photo, apprends à dire bonjour. La moitié de mon chickson est en prison. Et l'autre moitié attend son tour. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Reste pas dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. Cette Gecko Bar, c'est donc arrivé, les images sont dispo depuis aujourd'hui, depuis quelques heures. Ouais, donc c'est pour plonger les gens dans le bar et qu'ils viennent me voir en Thaïlande. Je suis là pour les recevoir, tous les Français. Tu retournes quand pendant les grosses périodes, les grosses saisons. Il y a la haute saison qui arrive. La haute saison, voilà. Il y aura plein de gros rappeurs qui vont venir cette année encore. J'ai entendu dire qu'il y a des gros noms du rap qui viennent faire des concerts. C'est l'occasion de venir, de bronzer, de se glousser avec des nanas, se foncer la gueule. La haute saison, c'est quand nous, il caille énormément. C'est ça, énormément ici. C'est ça que je suis parti chercher en Thaïlande. C'est de quand il fait froid ici, qu'il y a du soleil. 10 mois sur 12. Donc c'est quoi, à partir de décembre? À partir de décembre, ça va être le gros bordel. Moi, je serai dans mon bar tous les soirs. Il y aura des morceaux live, il y aura des invités aussi. Il y a de la chicha. Il y a des chargeurs pour que ton téléphone de merde se recharge au cas où t'as plus de batterie. Il y a le wifi. Il y a des écrans géants avec des clips Quinry, des clips de rap français, des matchs de foot. Il y a tout ce qu'il faut pour t'amuser. Ça donne envie de partir. Il y a du soleil la journée, le soir il y a le gecko pour t'accueillir, te donner les bons tuyaux, t'aider pour si tu veux des villas, des scooters. On est là pour recevoir tous les Français qui viennent en Thaïlande. En fait, avant il y avait le guide du routard. Maintenant, il y a le guide du gecko. Du biroutard. Du biroutard aussi. Le guide de la biroute qu'on peut avoir donc directement quand on va dans ton set gecko. Rappelle-nous l'adresse pour les gens qui vont en Thaïlande. C'est la rue Bangla Road, c'est la rue principale. C'est l'équivalent d'un Pigalle, Strasbourg, Saint-Denis, Champs-Élysées mélangés. C'est au 20 numéro 29, à côté du KFC, à côté du Burger King. On peut pas louper. Il y a le son qui pète dans la rue, marqué 7 Gecko Bar en gros. Venez tous les Français, je vous attends, on va bien se marrer. Et voilà, on fait de la bonne musique pour que les gens continuent à venir me voir, me dire ouais, elles sont lourdes tes punchlines, et au moins là je peux parler avec toi, boire un verre. Et tu y es tous les soirs. Pendant la haute saison, tu y es tous les soirs. Ouais, je suis là-bas 3 heures par soir. Juste un truc avant de continuer aussi à parler de ce 7 Gecko Bar, ce qu'on peut y trouver, etc. etc. J'aimerais qu'on revienne sur un peu les origines de la Thaïlande. C'est quoi? C'est 2010 la vraie rencontre pour toi avec la Thaïlande? Ouais, 2010, j'étais parti là-bas, j'étais pas resté longtemps, 5 jours. Mais moi qui aimais bien le délire, c'est Jack Daniel, Henken. Mon nom, je l'ai pris d'un film qui s'appelle Une nuit en enfer, où ça se passe dans un bar à gogo. La Thaïlande, c'est plein de bars à gogo. Justement, je voyais des gogo bars avec le même décor que le film dans lequel j'ai pris mon nom, 7 Gecko. J'ai dit putain, ça serait chambé ça. Et là, tout est né. Tu sais, le délire Bad Cowboy. Putain, j'aimerais bien ouvrir un bar avec mes potes. Et dire, toi tu serais le DJ, toi tu serais le serveur. Donc ça part d'un délire quoi. Ça part d'un délire qui s'est réalisé. Donc comme quoi, on peut, au moins en Thaïlande, on peut caresser nos rêves et à partir de quand tu prends la décision justement de partir, de t'installer en Thaïlande, de dire bon bah voilà, j'ai peut-être un peu fait le tour en France. Je suis resté quand même là-bas 3 ans, comme quelqu'un qui allait fréquenter les bars des autres. Et après, je me suis dit, non, mais quand même, là, faut monétiser cette photo que tout le monde prend tous les soirs avec moi. J'attire du people dans le bar des autres. Il serait temps que j'ouvre mon bar à moi. J'avais les épaules, j'ai trouvé un bon associé qui avait. C'est compliqué de justement voilà quand on est français là-bas qu'on débarque. C'est aussi complexe parce qu'il y a déjà il y a la langue aussi je suppose. Ouais mais ça va, ils se débrouillent. Même les Thaïlandaises elles font l'effort d'essayer de parler quelques mots français. Elles savent dire nique ta mère Sarkozy. Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pas mal en effet. Hein, ça a été jusque là-bas. Voilà. Et voilà quoi. C'est le Gecko Bar. C'est le Gecko Bar non mais donc à partir de quel moment tu ouvres toi le 7 Gecko Bar? Il a ouvert le nouveau celui-là où il y a le clip qui a été tourné. C'est on va fêter les 1 an bientôt. C'était le 1er décembre de l'année dernière. Et juste avant, je me suis mis en selle dans un autre bar qui s'appelait le Bad Cowboy Bar mais qu'on a revendu pour ouvrir un truc plus gros. Et là cette fois-ci il y a la clim, il y a des ventilos partout parce que les gens se plaignaient mais ils faisaient super chaud dans le bar, etc. Donc là, on a essayé de corriger toutes les imperfections, comme dans un album en fait. Quand tu vois que le public il dit ah, mais ça, j'aimais pas trop, ça, on a corrigé. Est-ce que la France te manque parfois quand t'es là-bas? Bon, non, tu vois beaucoup de gens qui viennent te parler. J'étais quand même en France en étant en Thaïlande. Il y a que des Français, je côtoie que des Français et t'as pas l'impression d'être juste à part la météo quoi. Mais t'es pas coupé du monde. Donc t'as toujours une attache avec la France. Et puis tu reviens donc régulièrement pour aussi faire des... Pour défendre l'album, des albums, notamment celui-ci qui s'appelle Professeur Punchline. Tu l'as fait où d'ailleurs celui-ci? Là-bas plutôt? Complètement enregistré et écrit en Thaïlande. Ouais. Mais ça se ressent pas tant que ça dans l'album. C'est ça qui est bien. C'est pas non plus... Et j'ai eu le luxe et le privilège que le rap français vient maintenant en Thaïlande. Là où je suis à Phuket, là c'est devenu planète rap carrément. Il paraît. Voilà, chaque semaine. Putain, mais on aurait dû faire cette semaine là-bas en fait, au Sedgay Cobar. Ça devait se faire. Et ça aurait été jouissif. Ah bah, je sais pas si j'aurais tenu toute la semaine, genre. Parce que non, c'est aussi évidemment le risque. Dans tout le monde a vu Very Bad Triple 2, c'est que tu peux à un moment, ça peut être dangereux aussi. Est-ce que toi tu t'es fait peur parfois d'ailleurs justement en Thaïlande? Ouais, je me suis mis, je me suis repris en main physiquement parce que à un moment donné, quand tu bois tous les soirs. Et que t'es dépendant de ton bar, que les gens ils viennent te payer des coups et que t'oses pas refuser, ça allait mal pour le Gecko. C'était Walking Dead tous les soirs. Je marchais. Il y a un moment où tu t'es vu, tu t'es dit merde. À un moment, tu t'es vu quand t'as bu, ça a pris tout son sens. Je me suis dit, il faut te reprendre en main. Tous les soirs, c'était comme ça, tous les soirs. Donc, ouais, pendant 2 ans, c'était une petite descente aux enfers finalement. Ça arrive à beaucoup de gens là. Ouais, c'est pour ça, il y a évidemment ce côté-là, évidemment, qui est une sorte de vacances, de divertissement. Là, c'est la vacance toute l'année, c'est pour que les gens le comprennent. C'est comme si t'étais le jour de l'an tous les soirs. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Donc c'était quoi le déclic de te dire un moment bon? Eh ben écoute, c'est le film Les Kaira à Pattaya de Franck Gastambide qui va sortir au mois de février. Hein, au mois de février, qui m'a dit écoute Seth, j'aimerais bien que tu t'apparaisses dans mon film. Et j'ai dit ok. Il me dit la scène, tu seras torse nu à la plage. Et là j'ai dit oula, aïe. J'ai dit il faut faire quelque chose là. Donc je me suis regardé dans la glace et j'ai dit ah là faut tirer la sonnette d'alarme. Ouais, tu t'es dit c'est le petit bedaine, ça va pas le faire. Ouais, ça va pas trop là. Même si en Thaïlande quand tu l'as t'es beau quand même. Mais là je me suis dit là c'est pas des Thaïlandais qui vont regarder le film là, c'est 3 millions de Français. Et ils vont se dire putain merde cette Gecko. Ouais, il est parti en sucette. Oh merde. Et je me suis dit voilà, on va se mettre un peu au sport, etc. Et ça m'a repris en main. C'est bien, j'ai arrêté l'alcool, tout, donc c'est cool. Donc c'est un album sobre. Voilà, ouais. Ou presque. C'est ça. Professeur Punchline. Les sombres, mais les sobres. Ça sort, ouais, c'est ça, le 6 novembre, c'est vendredi. On écoute un morceau Val d'Oseille. C'est parti, c'est le premier morceau qu'on a envoyé. C'était le tout premier celui-ci. Hein. Voilà, avec un clip qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et un clip qui est assez. En mode Mad Max. Là, qui est assez irréel, qui est en mode Mad Max. Mad Gex, complètement au max. On l'écoute maintenant, cette Gecko avec nous, Val d'Oseille. Professeur Punchline, le 6 novembre dans les bacs. Oh! La grosse chatte à ta mère en pièces jointes. Tu roules en féfé sur les champs. Moi je préfère marcher pieds nus sur la terre sainte. Faire disque d'or avec du rap par corps. C'est dur comme des bouchers, des chiottes avec un cintre. Faut crier pour que ces portes écoutent. Soit tu portes tes couilles, soit tu portes plainte. Les gars du crew attendent l'heure de gloire. Marc Dutroux attend l'heure de pointe. J'rappe pour mes fumeurs de zap et mes buveurs d'absinthe. T'es maquillé comme une voiture volée, ta mère la tape. C'est pas un chirurgien qu'il faut, c'est un peintre. Voilà, rap ta mesquin, j'suis la version blanche de Despo. Cherche pas à savoir si on a de la blanche de dispo. Plus j'aime les femmes, plus j'aime les chiennes qu'en pense le védo. Que la RATP me suce avec sa bouche de métro. Sale et le propos, schlag et le losbo. Au disque d'or fondu sur ton crâne à la cale, Drogo. Yeah. Faites du bruit pour mon Val d'Oseille. canon dans mon pantalon. Tu ressembles plus à une tasse qu'à Pocahon. Les schlags veulent la galette mais pas les centons. J'suis pas venu là pour parler cent ans. J'fais des provisions sans chèque, des chèques sans provision. Les matons c'est des bâtards, t'es mal à la tête qu'ils ont. Il pleut des cordes, il fait un temps à s'évader de prison. Moi je suis un papillon, mais je veux pas ta chatte en fleurs. Je fais le poirier quand je pleure pour que les larmes coulent vers l'intérieur. Les MC viennent chez moi passer l'aspirateur. Je suis sûr qu'ils étaient pédés dans une vie antérieure. Reste à ta place de gentil rappeur ou ton clash va te péter à la gueule comme après avoir chié sur un ventilateur. Yeah. Faites du bruit pour mon val d'oseille. Les punchlines j'en ai à la paix. Hey, fais du bruit pour mon val d'oseille. Hey, fais du bruit pour mon val d'oseille. Hey, fais du bruit pour mon val d'oseille. Hey, fais du bruit pour mon val d'oseille. Je te baisse pas, je me branle avec ton corps, c'est pas pareil. On porte pas d'américaine à pareil. J'ai le même vice que l'héritage à la Palerme. T'es une chienne mais t'en as pas l'air. Suce mon génital à pareil. Fais-moi une pipe au miel sur la bite, j'ai une abeille. Question préférée, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bouteilles. On sort le pastis comme à Marseille. Tu bastos dans le Marseille. Hommage aux darons qui balayent. On sort des couplets, t'as les bootlegs de Harlem. Le poteau sort du star alors on paye les TD. Demain c'est le ramdam, on sort le BDDT. Aujourd'hui t'as du buzz, demain t'en as plus, c'est comme l'oseille. Pète pas plus haut que ton cul, t'auras de la merde derrière les oreilles. Yeah. Faites du bruit pour mon val d'oseille. L'euro rouge, je le porte à merveille. Ramène tes MC, je prends la porte lequel. Les punchlines, j'en ai à la paix. Le morceau s'appelle Val d'Oseille. C'est vrai que ça a été le premier extrait parce que c'était quoi? C'était juste un petit clin d'œil justement au 9-5. C'était, ah ouais, c'était petit... important de recadrer et que les gens ne se disent pas que cette gecko c'est que la Thaïlande. J'avais besoin de les rassurer, de leur dire non, c'est toujours là, c'est toujours le 9-5, c'est toujours Paname avant Phuket. Et en plus, le clip a été tourné dans le 95. Et le clip a été tourné dans une carrière, ça, non, du 95. C'est ça, les carrières de sable blanc. C'est magique. Les fameuses carrières de sable blanc qu'on peut retrouver d'ailleurs en image, c'est dispo. Et qu'on peut retrouver aussi dans l'album. Qu'est-ce que tu attends de cet album, quand tu fais justement un petit point sur ta carrière, sur ton parcours, il y a eu différentes étapes. C'est vrai qu'il y a, même s'il y a une ligne de conduite, alors en effet, le côté professeur punchline, de sortir des expressions, tu as été aussi un des premiers à faire ça. Le côté un petit peu gitan, aller chercher le vocabulaire gitan que tu as exploité sur différents projets. Tu as vu, à chaque aventure, il y a des nouveaux trucs qui s'agrémentent au personnage. Donc là, c'était du vocabulaire thaï, etc. Mais cet album-là, il est fait uniquement pour que les gens changent les idées, en vrai. C'est la recherche de communiquer du plaisir, de rigoler, que ça soit fandard. La forme, elle est un peu violente, virulente. C'est du Seth Gecko, les gens connaissent depuis 10 ans maintenant. Mais dans le fond, le message, c'est croquer la vie à pleines dents, les gars. Éclatez-vous, divertissez-vous. Voilà, allez chercher de la force dans cette musique, qu'elle vous fasse voyager en Thaïlande ou qu'elle vous donne de la force, par exemple, pour aller au travail le matin quand il fait froid. Et rien attendre en fait de personne et faire son bout de chemin quoi. C'est un petit peu ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est à croquons la vie à pleines dents. Je peux pas te dire mieux que ça. Là, c'est le partage. J'ai envie que les gens ils kiffent leur vie, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu reviens toi justement sur ta carrière maintenant, parce que tu disais ça fait plus de 10 ans que t'es aussi dans le rap, que tu rappes, que tu sors des projets. Je suis content d'évoluer en fait. T'as quelle vision là-dessus, toi-même? Me dire c'est important que justement que les artistes ils devraient avoir des carrières quoi. Je suis content que moi chaque étape. Il se passe quelque chose à chaque étape. Il y a une belle évolution quand tu vois de quoi je suis parti à aujourd'hui. Bah, je suis content de pas être arrivé avec cette image forte d'aujourd'hui, tu vois. De me voir évoluer, de grandir en même temps que le public. Je trouve ça bien. Professeur Punchline, le hashtag c'est SethGecko sur Skyrock. On va revenir. Je ne t'ai pas encore filé ce portable. Ouais, oui. Le portable qui fait le tour du rap français depuis le mois d'août, depuis la nouvelle saison de Planète Rap, je te le confie. J'espère qu'il sent pas mauvais au niveau de la bouche s'il a fait le tour des rappeurs, Mathias. On nettoie chaque semaine. Il sent le curry au fromage, mon pote. C'est le SethGeckophone pendant cette semaine. Ils sont à la Thaïlandaise. Avec un numéro de téléphone 06 60. Alors attends, bah, quelle région? Alors, le 06 numéro. 71 74 84 15, c'est le portable de cette gecko cette semaine. Quand vous voulez le joindre, à n'importe quel moment, lui poser une question, lui envoyer de la force. 06 71 74 84 15, à n'importe quel moment, il peut sonner. Appelle-moi mon loubar. Vous pouvez laisser des messages, envoyer des MMS, tout ce que vous voulez à cette gecko. Allez-y, 06. Ah bah tiens, regarde, ça sonne. Si tu veux prendre tout de suite un appel, regarde. Alors attends, on va mettre sur haut-parleur, faut que tu mettes sur haut-parleur. Ouais, t'inquiète pas, on m'a expliqué le business. Alors, présente-toi, ma couillasse. Oui, c'est Dentre. Voilà, ma bonne couille, ça roulotte ? Ça va, tranquillou, hein, à l'aise. Hein. Alors, c'est quand que tu viens me voir à Phuket, mon petit gars ? Hein ? Bah, putain, je voudrais bien, mais putain, y a pas les lots. Eh bah, attends. Tu te sors les doigts du cul et tu vas acheter mon album et peut-être que tu gagneras le ticket d'or. Mais oui, parce qu'il y a un ticket d'or pour partir avec cette gecko pendant 5 jours. Eh oui, gars, t'imagines ? C'est encore mieux que le loto, wesh. Voilà, t'as tout compris, mon 100% super. Des gagnants ont tenté leur chance, de toute façon. Voilà, pour deux personnes, un voyage en Thaïlande pour me rejoindre, voilà, découvrir ce qui se passe avec cette gex. Tu trouves ça génial ou pas, mon petit pote? Bah, franchement, c'est de la bombe, hein. Voilà, c'est sinon. Et voilà, sinon, il y a un coffret avec un t-shirt. Régale-toi, mon pote. Et tu peux m'appeler quand tu veux, on s'enverra des petits messages. Moi, je suis content, moi, je suis bien. Voilà, mon pote. Une dédicace ou pas? Bah, passe ta dédicace, y a pas de souci. Ouais, grosse dédicace à Joe, grosse casse dédiée à Garnick, toute la clique soeur arménienne, on va bien rigoler, et puis voilà. Hein. Et rendez-vous à Phuket. Rendez-vous à Phuket. Parce que même si tu peux pas y aller, t'écoutes l'album, il te fera voyager là-bas, mon pote. Pour envoyer, j'ai plus les clips, les images qui vont avec. Voilà. On est frais. Bonne soirée à toi, mon petit loubar de l'espace. Merci à toi aussi. Allez, ciao. Tu vois, c'est du temps réel. Hein. Les gens peuvent te joindre à n'importe quel moment. 06 71 74 84 15. Cette gecko, on va revenir avec un morceau qui s'appelle Shintawaz. Ouais. Avec Gradure. Bah ouais, pour cet album-là, j'ai charbonné dur. Ouais. Comme un Shintawaz, je me suis battu pour pouvoir construire un studio en Thaïlande, pour pouvoir enregistrer tout de là-bas. Pour éviter les alertes. Ah, t'as aussi construit un studio, t'as pas utilisé des studios déjà qui existaient là-bas? On doit ça à mon gars Cody McFly qui a fait la prod de Shintawaz justement, qui a fait le clip de Seth Gecko Bar. Voilà, j'ai fait venir beaucoup de gars moi en Thaïlande pour me donner de la force. Mais il y avait Jason Voorhees qui était avec toi. Jason Vovo, bien sûr. Mm-hmm. Il y a Martinez, It's Alive, Lamine, tout ça, mes gars qui sont des DJ maintenant dans mon bar. Et là, on est revenu en France tous ensemble pour tout faire péter. D'accord, bah on en parlera dans un instant. Et donc ce morceau avec Gradure, il s'appelle Shintawaz. Voilà. On pourra l'écouter juste après ça. Bougez pas, la roulette qui va tourner aussi, 41-759 pour faire tourner la roulette. Allez-y, vous laissez votre prénom, numéro de téléphone et on revient juste après. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planet Rap reçoit Seth Gecko. Planet Rap. Skyrock. Ça s'appelle Professeur Punchline, ça y est, c'est vendredi. Ouais, c'est vendredi dans les bacs, ça sera pas cher pour les paris. Je crois qu'aux alentours de 20 neneux, 20 euros, 1000 bahts, tu peux avoir le coffret collector avec un t-shirt, le CD et le golden ticket pour un voyage pour deux personnes. Donc ça le fait. Hein. Pour les gens qui veulent voir cette gecko sur scène entre taquiner la planche, comme au théâtre, il y a le concert au Trabendo, c'est sur Paris. Ça c'est le 20 novembre. Donc 20 novembre sur scène. Voilà. Après une tournée aussi un petit peu avant de repartir ou... Non, la tournée, je reviendrai la faire pendant les beaux jours de France en 2016. D'accord. C'est-à-dire à partir de mars. D'accord, donc il y a la saison décembre, grosso modo mars, où tu vas c'est rester. C'est pour tous les gens qui me soutiennent, pour pas trop les faire languir, on fait une grosse date parisienne parce que c'est important, voilà, je suis chauvin, hein, je suis chaud, je bois du vin, je suis chauvin, ma couille. Ben, normal. Et quand t'es en Thaïlande aussi, tu prends souvent le micro Ouais, on a un micro déjà, donc généralement je laisse faire la sale besogne à mes DJ, les pauvres, mais quand je commençais à être allumé de la tronche, je prenais le micro et je faisais des morceaux en live et tout, mais ça c'était à l'ouverture, donc le 1er décembre dernier, à cette époque, je buvais encore de l'alcool. Maintenant c'est fini. C'est fini, mais bon, je vais continuer à prendre le micro, parce que là on va fêter les 1 an et je pense que les gens qui seront sur place méritent un petit live. Bon, il y aura bien ou deux soirs de dérapage. Ouais. C'est des choses... Ça fait partie de la vie, ça. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une trace de pneu. Ça peut arriver. Chose qui arrive. C'est un dérapage. Seth Gecko, on écoute ce morceau avec Gradure, Shintawaz. Voilà. C'est parti. C'est partout. Ton copain, alors calme ta wash. On est plein comme les Shintawaz. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Le rap a transformé les mecs de tête en bourgeoise. On fait espèce et on plonge dans des plages couleur turquoise. qui paye ses ardoises. S'enrichit, fait du nettoyage, elle est traître ici. Versace, Versace, la méduse de pétrifie. Elle s'asphyxie, quoi, parce que j'appuie sa tête. Elle a eu les yeux plus gros que la Schneck, comme Anissa Kate. On attend qu'une chose, qu'à Paris ça pète. Flic contre Kera, Kera qui tire aux roquettes. Blair. S'il était légal de tuer, beaucoup ne seraient plus sur la planète. Le string du rap est tendu comme une arbalète. J'suis venu jouer de la harpe avec. Je te plante avec le pic de la fourchette. Et j'insulte ta mère comme Gilles de la Tourette. J'mets des baffes d'Obélix, les pétasses m'obéissent. Au doigt et à l'œil comme fusil à lunettes. Lamborghini, taille réelle, pas majorette. Amande majorée, l'état nous raquette. Pendant que le net a fait pousser des couilles aux tapettes. J'suis carnassier, les couilles en or, j'ai le cœur en acier. Mes punchlines tombent du ciel, j'ai plus qu'à ramasser. Si tu veux pécho, tu sais où aller. Nos bécanes sont pas musulmanes, mais pourtant elles ont l'air voilées. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On me charbonne comme les Shintawas. On me charbonne comme les Shintawas. On me charbonne comme les Shintawas. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. On me charbonne comme les Shintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Je fais le témoignage, témoignage, témoignage. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. La peu époque t'es pas de moi un wash. J'accélère et galère les vœux sur l'asphalte. Ils m'attraperont pas ces fils de lâche. Oui, je roule joint au bec. Sur leur rinté comme pas épec. Aucun de ces bâtards ne peut me la mettre. Et la K47 traverse même les becs. Traverse même les becs. Le bloc dans la bouche et la bite dans la schneck. Si mon arme te check, la mort te guette. Chegue, squat, charbon dans ta poche en pire que les Shintawas. Laisse-moi rentrer dans ta douche, que j'y fasse du nettoyage. Je frappe comme Tyson dans son fion, Tina Turner, Bobby Brown. Je l'attrape par le chignon comme un poisson dans l'eau. Faut que j'y aille au fond. On charbonne matin, midi, soir pour la maille. Former ta ronge, tuer comme des esclaves pour des salaires de merde, ça fait mal. Papa veut se barrer au bled. Maman veut voir le bébé sortir de la schneck. Le buzz et les soucis, le pouvoir, le succès. Les salopes veulent sucer le buzz qui me reste. Le chèque est trop haut pour calculer tous ces négros. J'suis sur soi, mettre les presses. Et l'index fait des guilis-guilis sur mon pharma smili. Ça fait zélélé. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On me charbonne comme les Shintawas. On me charbonne comme les Shintawas. On me charbonne comme les Shintawas. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. On me charbonne comme les Shintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Je fais le témoignage, témoignage, témoignage. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. Shintawas à l'instant, ça c'est un des morceaux aussi qui était balancé avant la sortie de cet album Professeur Punchline. Exactement, et pour ceux qui viennent de le découvrir là ce soir sur Sky, il y a le clip sur YouTube, sur ma chaîne, Setgecko TV. Allez cliquer, il y a plein de clips, il y a aussi Setgecko Bar et Val d'Oseille. Tous les titres qui sont passés ce soir, de toute façon il y a les clips. Et on peut dire un petit mot aussi sur Gradure qui fait partie, c'est vrai, des gens qui ont explosé ces derniers, ces derniers mois. Quelqu'un qui est venu te rendre visite aussi Qui est venu pour tourner un clip de Jamais. Avec son équipe, et ils m'ont contacté. Je leur ai filé un petit coup de main pour tourner le clip sur place, parce que j'ai un peu les clés de toutes les portes là-bas. Et voilà, le feeling il est bien passé. Son manager, c'est un très bon ami à moi. Qui est-ce qui est là, qui est venu nous rendre visite ce soir, avec son artiste Brabra. Et voilà, en fait j'aime bien quand ça se passe en famille finalement. Comme ça. Et quel regard toi t'as sur cette génération justement qui vient d'exploser, en fait, que ce soit Niska qui est présent aussi. Bah en fait le vrai truc, c'est comme je suis dans mon bar, il n'y a que des Français de toute la France qui viennent. Ils me disent, ah, tu passes pas du Gradure ou tu passes pas du Niska. Et c'est là que je sais quand il y a un artiste qui est en train de tout exploser ou pas. Tu vois, parce je suis qu'on au courant, t'en parle, ouais. On m'en parle direct. Donc ça, un jour, on t'a dit, putain, Gradure, il est en train de tout exploser. Ouais, ouais. Ça, j'étais là un petit peu en France quand ça s'est passé. Et c'est Gradure qui m'a mis la puce à l'oreille pour Niska, parce que avant qu'il y a le boom de Mathieu Dicharo et des titres qu'il avait envoyés là, avec XV Barbare aussi, un titre qui était pas mal là. Bah, c'était pas venu à mes oreilles, mais via Gradure, voilà. Donc là aussi, bientôt. Pour ceux qui ont aimé le clip fait par Nicolas Noël de Shintawas avec Gradure, il y a le clip avec Niska qui arrive Homme des Neiges. Donc ça arrive Homme des Neiges dans ça arrive là, dans les jours qui viennent. Dizaines de jours. après la sortie de l'album donc. Ouais ouais, après la sortie de l'album, on va pas tout donner en même temps. Tranquille. Voilà. C'est entrée, plat, dessert, pas les trois en même temps. Et toi donc, et voilà, on le disait depuis un bon petit moment dans le rap, comment tu juges cette génération qui est arrivée, un peu plus de solidarité j'ai l'impression entre eux, ou ça... Ça c'est un côté super humble qui la Gradure qui a ouvert cette porte là. Et là j'ai eu du mal moi toujours à passer le relais à la nouvelle génération, à la relève. Dans l'album juste avant, Bad Cowboy, j'avais pas fait de featuring avec les jeunes qui montent. Parce qu'ils se prétendaient tous être la relève. Ils sont venus en disant on est la relève, mais il n'y a rien eu. Il n'y a eu pas eu de chiffres, il n'y a pas eu de grosse première semaine. C'était que du pipeau en fait, et ça j'avais pas aimé. Mais quand eux, Gradure, tous ils sont arrivés, ils ont fait parler les chiffres directement, ils ont tout explosé. Et là je me suis dit c'est peut-être le moment de passer le relais, tu vois. Et ils sont arrivés avec une humilité peut-être qui était un peu moindre sur les autres. Ouais, c'est ça, exactement. Ça c'est un bon message qu'ils ont véhiculé dans le rap, toute cette petite bande là. Et bon, on les retrouve sur ton album aussi, Professeur Punchline, qui sort vendredi. Et je te présente Zidkan de Tourcoing par téléphone. Tu en parlais de Gradure. Ouais, ça va, Fred. Ça va et toi, Zidkan? Tranquille, ouais, juste pour faire court, en fait, c'est Frontière Tourcoing. J'habite à Moucron, en Belgique. Eh ben, ok. Moucron, bah pareil, dans le Nord, on salue Moucron aussi. Voilà, merci. Zidkan, tu connais évidemment Seth Gecko. Bien sûr, je connais. Ça va, ma gueule. Vendredi, ouais, ça va, tranquille, vendredi 6 novembre. Eh ouais, mon pote, tu seras au rendez-vous ou pas? Ouais, ouais, j'ai 2-3 potes là, surtout dédicace direct à mon pote Seb. C'est un grand fan de toi, il a participé à pas mal de tes concerts et tout, donc. Eh ben, embrasse-le sur le front, mon pote. Il n'y a pas de soucis. Parce que lui, le Sawadi Cap de ma part. Ah, c'est. Le bonjour thaïlandais. Bonjour thaïlandais. Sawadi Cap. Kapunka, moi je connais, mais voilà. Je connais pas tout. C'est important, Kapunka aussi. Ça, c'est merci, ouais. C'est merci. Toujours dire merci. Toujours. Zidkan, on t'écoute rapper? Ouais, pas de soucis. Allez, c'est parti. Ok. Ok. ZDKN. Troisième poumon. Désolé pour le décalage si y en a un. Ça fait. Yeah. T'en as tellement dans le crâne que t'en es devenu hydrocéphale, cherche en brouille. Contre moi juste après ça, les icônes s'écrasent. Et de meilleur de la profession, jamais j'aurais cru que c'était. Après la prophétie, je partirai en paix, donc on va me succéder. Crois-moi, isolé, ma ville est un souterrain, qu'est-ce qu'il y a? Déplacé, pas possible avec la caisse qu'il a. Les trucs te verbalisent alors qu'ils prennent pas le temps de te connaître. Les crimes ont augmenté parce qu'on nous pousse à les commettre. Recevoir un prix lors d'une cérémonie, a priori le stress monte les disques, on peut te rendre acrimonie. Analyse les profils, mes études passent à Quantico. Cette contrôle, cette publication, tu la trouves pas dans le dico. Le sucre cause les crises d'hypoglycémie. Sur ma balle, sur ton vie, pour cause des trop sont servis. Anorexique, maigre dans ton dialogue. Au contraire, l'obèse, pose ton plus sur ton analogue. Bah la fille, je sais pas semblant, méga m'attendre, je sais pas doucement. La tête écranche, appelle les anges, la gêne dérange, la déchéance, les rimes étranges. Donc tu ranges, et puis tu manges, des coups aux jambes, je sais pas ces gens, des tickets ensemble. Ce déco, ça fait, car en face de moi, y'a des conjugues, ça mène des dessins par-dessus, y'a des mecs qui savent. Ça sent les claques, elle est normal pour optimiser, ouais. Les chances que c'est pas rien à foutre de là, allume tes barres, ça met des claques. Y'a Wellu sur mon compte épargne. Tu joues les mecs, t'as peur de rien avec nous, tu veux qu'on t'épargne, on fera bronzette. Toute la nuit, on finira quand même en Espagne, j'espère. Qu'il est pas sur ton ordi de ta vote, quand je passe les rapports, tu veux passer les portes, ok, d'accord. Insulte même pas sur mes ongles, mets mon 11 et ronge tes ongles. Soit disant que j'ai mis 10 ans, rien à foutre, c'est ce qui se tente. À la fin de ce couplet, demande à Fred Moussa, Seth Gecko, à tous ceux qui sont présents. Putain, ouais, je plaisante. Pendant que je rappe sur les gens, viens courir avec les gendarmes sont ça, bien fort avec le chez moi, avec les engins. Voilà les frangins, il était une fois 15 000 raisons pour les fracasser les dents. Donc logiquement, je rajoute des putains d'enceintes. Ce n'est pas fini, t'es timide, arrête tes mimiques, c'est les gars qui tripent au. Voilà le bruit de la percussion auditive. On dit quoi sans tes bateaux, tu vas faire quoi mes gueules, je les écrase tous, ok c'est gratuit, bah file-moi tous mes queues. Je cule le bec, travaille mes becs. C'est peut-être que j'ai trop la haine, si tu vas ta fête. Je suis bête, arrête de poucave. Petit refrain c'est maigre, pour finir en beauté. Sans princesse, si tu te traites, yeah. Pas de traitement de faveur, le coup de ta l'heure a trop de valeur. C'est vrai, c'est clair, j'ai ta peur, pas de ma soeur. Ça fera un drôle d'effet, élimine la mine que t'as. Si je te cours après pour te guetter, c'est parce que ta face, je ne l'aime pas, je te donne. Je comprends pourquoi t'as quitté, ça fait. Comme on est reparti, c'est pour te baisser ta main comme dans une partie actionnaire. Tellement vite, tu restes sur le cul, sur le point de départ. En effet, à 10 tonnes d'impact, j'ai le feu qui démarre direct. Comme si on en marre, hey, comment tu fais, je préfère pour rester muet. Les décisions que tu prends sont nettes ou floues. Le poids de mes erreurs sur mes jambes, t'es mal à taille de mes genoux. T'inquiète, d'habitude c'est dur, mais sauf cette fois, t'éviteras point le crucifix. Même en avoir censé le croire, sans foi ni loi. Ouais, bah Zidkan, on l'arrête plus en fait. Ah ouais. Il est parti, on l'arrête plus. C'est une flèche. Eh ben merci à toi Zidkan en tout cas. Ouais, bien vu. Est-ce que je peux passer des petites dédicaces? Vas-y, on t'écoute, ouais. Alors, je voudrais dédicacer ma ville Moucron à tous ceux qui soutiennent les feinteurs feinteuses. Le clip arrive bientôt. Est-ce que je peux me permettre de te demander un truc, Fred? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que je peux t'envoyer un ou deux sons si ça te dérange pas sur ta boîte? Ça me dérange pas, vas-y. C'est... pour passer sur la nocturne. C'est fred@skyrock.com, tu m'envoies tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux mettre mes liens? Est-ce que je peux dire où on peut rejoindre mes clips, tout ça? Vas-y, vas-y. Alors, il faut taper ZIDKN, donc ZIDKN sur YouTube, vous retrouvez tous mes clips. Sur Twitter, Facebook, il y a un gros freestyle qui est sorti là, qui a été validé par pas mal de sites de rap connus. Donc voilà, je vous invite à aller le voir. Et big up à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Et bah, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup et merci à Fred Nusson de m'avoir écouté. À bientôt, Zidko, ciao, passe une bonne soirée, merci à toi. 20h-21h, le Planet Rap toute la semaine. Professeur Punchline, il est là. Voilà, en live, il est de retour. Direct. Il est de retour, mais il est pas content. Non, ça va détendu là, plein de tolérance. C'est vrai que ouais, je te trouve très, très calme, très apaisé. Détendu du gland, mon père. Détendu. Voilà. C'est la sagesse de quelqu'un la en particulier qui t'a. non, c'est vrai que. Bah, attends, on peut dire aussi un mot sur la Thaïlande. Je suis zen, mec. Qui est un pays en effet très accueillant où les gens sont d'une gentillesse par contre assez incroyable. Ouais, les Thaïlandais. Ouais, et puis c'est la mentalité bouddhiste où, où plein de tolérance qui accepte tout le monde et. Voilà, j'aime bien, je me sens bien où il y a du soleil, ne serait-ce que ça, déjà. Dans un instant, tu nous feras un live, Setgecko, juste avant, et avant de finir aussi avec le Setgecko Bar, mettons un des morceaux qui est arrivé, c'est Delicatessen qui est voilà, arrivé. Ça, c'est ça découpe, c'est comme un cruel charcutier. Ouais, c'est ça, hein, l'idée de ce morceau, c'était ça, c'était découpé. La découpe. C'était découpé. Voilà, ça découpe. Professeur Punchline, ah, vendredi dans les bacs. Je voyais des petits messages. Vas-y. Shintawas, ça veut dire chinois. Oui. Voilà. C'est pour ceux qui posent des questions, n'hésitez pas, le hashtag, c'est Setgecko sur Skyrock. Et régalez-vous. Photo avec des blue caps, c'est le fils de pute. Quand tu me parles, retire ta main de ma nuque, petit fils de nuque. MC, arrête tes pipoirs et tes fils de flûte. La mort c'est l'arrêt du cœur, l'amour c'est l'arrêt du huc. Aucune rime en réduc, tu veux du lourd, faut rémunérer. La claque va être si forte que même si tu l'esquives, elle va t'enrhumer. Je vais leur faire du mal, au sens propre, au sens défiguré. J'ai besoin d'un flingue pour te flinguer, mais pas d'un tank pour t'enculer. J'envoie du sale, comme le cul de mémé va falloir la récurer. Je balance rien, le compte du barman, c'est de te faire tirer les verres du nez. Je découpe l'instru comme un cruel charcutier. Je découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. J'ai passé ma jeunesse à arpenter les rues et le capucher. Viens ici petit pucelle, je vais te décapiter. Charpenter comme un charpentier, je suis une tête à couper. Se demandent tous comment j'ai fait pour perdurer. Je suis dans le mercato, on vaut-il percuter? J'ai pas une mercato, encore moins de percurer. Crois pas que je baratine, les clés du paradis les ont avalés. On ira jusqu'à les éventrer pour les récupérer. Pour les cocaïnos, édentés, le bonheur est dans le cré. Tu vas ressortir du game aussi vite que t'es rentré. Tu te la racontes, mets ton fusil à pompe, puis plus les pieds. Oh, même si tu te sens seul, comme un gladiateur, tu as plus d'épée. Allumez les spliffs, sortez les tailles de gousselé. Je te souris par devant, gros coup de chla sans loose dé. J'sais d'où je viens, j'sais où je vais. Les suceurs beat restent bouche bée. T'as du flow mais pas de rime dans tes couplets. Les vétérinaires n'ont jamais fait de bon boucher. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. Viens ici petite pucelle, je vais te décapiter. Ça va saigner, demande à Negan et Lucille. C'est nos crimes que les keufs en Mégane et Lucille. On va tous mourir, j'en suis méga lucide. Breaking Bad, Cowboy, cousine, j'te baisse dans la capucine. Quand j'bande, on dirait une tente de camping. Bang, bang, bang. J'suis la partie visible de l'Eisenberg. Prépare le missile, roule un gros joint d'herbe. J'tiens Barafi comme Slim Iceberg. Bang. Le game, j'lui fais une Gomorrah et Sodome. Si j'te baisse, c'est que t'es une meuf, bien, j'dois honorer son homme. Je te viole par les oreilles et je te refile une gonorrhée sonore. La chatte à Rebecca, la grosse paire de couilles à Proctor. Le temps c'est de l'argent, j'ai une grosse Rolex en or. J'bois de la vodka et alors, combien de Polonais sont morts? J'dévore les livres comme un Hannibal, j'suis un gros lecteur. La SNCF commence à me zarrer, c'est des gros voleurs. Pas besoin de pare-balles, seul Dieu est protecteur. T'es qu'un petit novice, j'suis un gros phaseur. Scratch le clitoris comme un crossfader. Suis-je métrosexuel si j'encule un contrôleur? Si tu sais pas faire de punchline, viens voir le professeur. Professeur Punchline, ça sort vendredi et donc ce morceau de découpe. Voilà. À l'instant, délicat. Un exercice de style. Exercice de style. Les prods qui ont. Les gens qui ont bossé avec toi sur cet album. DJ Widim qui est Widim présent ce soir. Qui a les mains faites pour l'or mais qui sont sur les platines. Il y a Cody McFly. Et il y a It's Alive aussi qui ont fait des prods. Bon, est-ce que tu es prêt maintenant pour le live? Je vois que Widim, lui, est chaud a priori. Il est chaud pour taquiner. On y va, session live dans Planète Rap. 7 Gecko est de retour. Professeur Punchline, ça sort vendredi. Dur. Professeur Punchline sur Skyrock. Ah, c'est Gex. Si tu veux du Khalis, va t'aigre à la CAF. Quand ça quiebra la Brinks, Intégral et le casque. Impérial et mon lyrics, va des rétro Satanas. On attend l'antéchrist, au bénite dans la calache. Trahir ses propres photos, c'est comme les planter avec un schlass. Liker ses propres photos, c'est comme se branler devant la glace. Phuket, Bahamas, baratapin, baratapas. Un chassard tombe toujours sur ses pattes, sauf si on lui attache. Oh Heps, tu retombes toujours sur tes potes, ma couillasse. Si t'es tombé sur une pute qu'à la chatte qui hupe, c'est sûrement un Iadas. Sans le cash, j'ai le blues du businessman, la chatte à Patricia Casse. Premier sur le check, c'est sur Yacast. Je vous laisse apprécier la casse. Mieux vaut être un loc à la pouquette qu'une poucave dans un loc à la poussette. On se croise le bocal, on boit le sky sans glace, on cul sec. On se casse en cussette, toi on te laisse le wagon couchette. Rouge et le carton, carcabile et le coup de tête. On vise les sommes astronomiques. Plaisir sexuel, plaisir gastronomique. Scorpion, mon âme favorite, car scorpion de signe astrologique. J'ai tellement serré la ceinture que je ressemble à un 8. Je préfère avoir du sang sur les mains que de la merde sur la bite. Hipster. Ah, remets la prod. Ok. J'ai pas fini avec cet instru. Professeur Punchline. Ah, c'est Gex. Hipster, tu frôles la mort si je t'effleure. Je paye pas les putes, disons que je leur donne de l'argent pour acheter des fleurs. Mes punchlines déflorent tes oreilles chasses de petites sœurs. Personne ne croit tes histoires de mythos de remixeur. Cette bimbo a un corps qui casse le crâne, Paulus ou Litzer. Je me questionne, j'aimerais vraiment savoir la somme des thunes qu'elle te michetonne. Comme j'aimerais vraiment pas sentir la laine d'un rôdeur. Ni l'odeur des chaussettes à Daryl, encore moins celle du string de Michonne. C'est Smith qui fait une passe à Wesson, qui centre et qui tire. Jack Dada comme élixir, bande de moutons, c'est la idée le kibir. L'instru, je lui casse la tirelire, nique le triple K et le massage sucette. J'envoie mes tweets et mes messages en live en direct d'un massage sucette. Patron City Gang. Ah, c'est dans la boîte. Et ben voilà, toujours en pleine forme, comme vous pouvez toujours l'entendre. Seth Gecko est là avec nous entre 20h et 21h. Et donc ce morceau live qu'on retrouvera aussi en image sur le skyrock.fm tout à l'heure. Avant de se quitter, Seth Gecko, est-ce qu'on se referait pas un petit tour dans le bar? On va faire péter la cloche. Je vous invite tous à venir dans mon bar. Venez, n'ayez pas honte. Faire péter la cloche. Écoute, alors, y a dans tous les bars en Thaïlande, il y a une grosse cloche. Il y a la grosse cloche sonne et la grosse cochonne. Il faut pas mélanger les deux. Il y a une cloche dans chaque bar. C'est des choses qui peuvent arriver à partir d'une certaine heure. Et dès que les gens sont un peu excités, ont un coup dans le nez, ils ont envie de sonner la cloche. Malheureusement, l'amende de la cloche, c'est de payer une tournée de shooter à 1000 bahts. Ça fait 20 euros pour 25 shots. Ça fait. Ça vaut son pesant de macaroni. C'est de l'alcool pour s'éclater jouissif avec des goûts de Mr. Freeze. En même temps, c'est les vacances. C'est les vacances. Et après, quand tu vois le bar, il fait péter une cloche. Les clients disent ah ouais, ils veulent faire la guerre. Il y a un combat de cloche, cloche contre cloche. Et le but, c'est de faire péter les cloches. Et le patron, dès qu'il y a une cloche qui pète, il est content. Il paye sa cloche, gros. Et il est content aussi. Et je paye souvent des verres aux gens qui viennent avec des t-shirts. Seth Gecko, ça c'est voilà, un geste commercial, on vous offre des verres tranquillement. Donc voilà, les t-shirts sont trouvables dans la boîte collector, sont trouvables sur la boutique officielle et aussi dans mon bar. Voilà, on fait aussi un petit stand de merchandising. Faites péter la cloche maintenant. Faites péter la cloche, ma bonne couille. Mmh.

On fera ça dans la semaine, promis. Merci pour cette première soirée, cette Gecko. Merci à vous, merci aux auditeurs de nous avoir consacré une heure. Juste avant de retrouver Diffoul et avant de se quitter, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Skyrock t'offre la révélation de l'année, Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. Avec Nassim de Mirama. Salut Nassim. Salut, salut. Ça va en pleine forme. Il y a cette Gecko toute la semaine avec nous dans Planète Rap. Ouais, ouais. Et il y a toi, Nassim. Eh oui. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti, ouais. Dès que tu veux, tu dis stop. Ah bah. On va installer une roulette dans cette Gecko Bar. La Sky Roulotte. Tu tombes sur des trucs là. Tu tombes sur des. Massage avec finition. Voilà, c'est en fait, t'as plusieurs. Ou alors le banqueroute. Ouais. Ça peut être avec le Ladyboy, ça. Ça peut être super dangereux, la case banqueroute. Nassim, pour toi, c'est pas la banqueroute, mais c'est les places pour aller voir Nekfeu. Il y a deux places qui t'attendent. C'est quoi, Marseille? Ça te va, Marseille? Ouais, Marseille, c'est nickel. Et bah voilà, concert de Marseille. Il y a deux places, Nassim. Passe une bonne soirée. Ça va, ça va. Je peux passer une petite dédicace? On t'écoute, vas-y. Allez, bah mon pote Mounir qui m'écoute tout mon instant, et à sa chérie Sarah de Nîmes. Ma chérie Mélanie, j'ai laissé à la maison, que là je suis parti au travail, et à mon pote Laurent. Merci voilà. À toi Nassim. Ciao, bonne soirée. Allez, merci, bonne continuation. Et merci à tous les gens qui envoient des messages de soutien sur le téléphone 7 Gex qui est disponible cette semaine. Ouais, c'est 06 71 74 ouais. 84 15. À n'importe quel moment, tu peux prendre un appel. Tu peux l'embarquer avec moi, le téléphone, pour répondre toute la soirée. Vas-y, allez. C'est mieux, non? Il faut le ramener. Ah, ça, c'est sûr, ça. On mange pas de ce pain-là chez nous. D'accord, très bien. T'inquiète. Allez, je te fais confiance. Merci 7 Gecko pour cette soirée. Rencard demain entre 20 et 21. Et Diffoul est là, normalement. En direct avec toute l'équipe. Eh oui, on est là. Salut 7 Gecko. Salut. Alors c'est Gecko, un bar, des fringues, un studio, un album qui arrive, ouais. Un studio, ouais, et un portable, qui m'a gratté, pas cher, hein. Pas mal, ouais. Pas mal, bien joué, c'est ouais, Gecko, ouais. Demain 20h-21h dans Planète Rap sur Skyrock, merci Fred, à merci demain. Seth et à demain. Et je propose qu'on refasse aussi la pochette avec Romano, je verrais bien faire cette fameuse pochette. Faisons, mais il peut la faire avec l'appli. Là il y a l'application, il peut la faire de chez lui, il n'a pas besoin que je lui mette ma vraie main. Mettre sur la pochette Romano. Oui, la main avec le squelette. C'est prends ma main dans ma gueule, dans ta gueule. Et pas prends ma main sur ta bite. Hein. Non, ça va aller, merci bien. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez deux mains, hein, donc à la limite. Ah, mais des fois, je suis au bar, les gens, ils sortent des toilettes, j'ai même pas le temps de me laver les mains, qui me disent tu peux me faire la photo avec la main sur la bouche. Ouais, ils ont bien raison. Oui. Voilà. Comme quoi. Donc faut faire attention quand on sort des toilettes. Allez, bisous tout le merci monde. Merci Seth, à demain. Bisous à demain. Seth Gecko, dans Planète Rap, pas loupé. Et là, c'est parti pour la radio libre sur Skyrock. Le grand retour de vacances. Fredo, rendez-vous demain 20h et nous rendez-vous dans quelques minutes sur Skyrock. Et on va pas écouter quelques minutes tout de suite, en tout cas, pas le fa. Non. Mais son pote, Maître Gims. Ça paie comme jamais pour démarrer cette grosse soirée. Comme on va parler jamais. Des stars. Tiens, je voulais vous demander, puisque toi, t'as rencontré un paquet de stars, Fredo. Ouais, c'est vrai. Quelle est la star? Alors, faut répondre. Franchement, oui. Quelle est celle que tu as le plus appréciée? Bon, c'est pas facile parce qu'il y en a plein. Allez, fais-nous celle que tu as le moins appréciée. Oh là là, pas facile aussi. Oh là là, ça c'est compliqué ça. Eh ouais Fred, mais on se dit tout, c'est Radio Libre sur Skyrock. Je vous pose la même question à vous, si vous avez rencontré des stars dans votre vie, il y en a qui vous ont déçu, il y en a qui vous ont plu. Dites-nous, racontez-nous tout ça, on y revient dans un instant. Alors mon Fredo. Non, celle qui m'a... Alors tu sais quoi, je vais rester sur le plan international, comme ça je me grille avec personne en France. C'est ça. tu m'en veux pas? Non, allez, vas-y Fred. Non, Rihanna. Rihanna, avec qui j'ai une affinité absolument incroyable. Normal, ouais, tout. Donc c'est celle que tu as préférée. Ah, j'ai adoré Riri. Mais il y en avait une à l'ancienne que tu avais failli sauter. Laquelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est R. Kelly. Non, oui. Non. Voilà. Non, l'autre là, Evie, il n'y avait pas eu un truc? Ah, il y avait eu une histoire, j'avais eu la chance de découvrir. T'avais été à l'hôtel? À l'hôtel chez elle aux États-Unis. Ah ouais. Cochon. Ah, très bien, Fred. Non, c'est bien, on avait passé un bon moment. Je me souviens de ces petites pattes qui ornaient ses seins. Mmh, je vois que c'était très mignon. Ça t'a laissé des souvenirs. Et celle que t'as le moins appréciée? Pas le moins appréciée, mais celle qui vraiment se la racontait au point de ne pas vouloir aller dans les toilettes de Skyrock, c'est Mariah Carey. Mariah Carey. Ouais, Mariah Carey. Ouais, elle perchait un peu. Qui était en très très diva. Mais après, c'est pas moins apprécié. Elle était perchée, c'est Mariah Carey. J'avais réussi à lui bouffer son chewing-gum, je me souviens. Très bien. Ça l'avait étrangement écœuré, je comprends pas, parce que j'avais récupéré son chewing-gum qu'elle avait posé délicatement sur la table. Oui. En plus, il avait bouffé, elle m'a regardé, qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression de te rouler une pelle. C'est un chewing-gum. Alors, merci Fredo, dans un instant, de rien, en direct. Pour ça, pour tout le reste aussi, si vous voulez passer dans l'émission 01 53 40 30 20 41 759 skyrock.fm, l'appli Skyrock pour nous laisser des messages, allez-y, faites péter tout ça et on se retrouve tout de suite après Maître Gims. C'est sapé comme jamais. À toutes. À demain Fred. Tu veux bouger?